بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سؤال المئة، centième question. والحمد لله. سؤال الشيخ، centième question bien sûr de ce livre. Quant à nous, nous avons sauté pas mal de questions. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيك بالذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي أم سعيد؟ Donc il a été interrogé. Quel est votre avis quant à celui qui argumente par le destin lorsqu'il fait des péchés en disant qu'il m'a été prédestiné, soit que je sois un damné, soit que je sois une personne parmi les ceux qui réussissent. Dans le sens que lui considère qu'il est considéré comme parmi les damnés, donc il se permet de faire ce qu'il veut. Et de toute façon, pour moi, c'est ça qui a été écrit, donc j'agis en conséquence. Ah, ça ressemble un peu à la question précédente. فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَيْ هَذَا أن صادق في أنه مكتوب عليه شقي أو سعيد. Donc il a dit mon avis, c'est que cette personne-là a dit vrai lorsqu'il dit qu'il a été prescrit, que soit il est damné, c'est-à-dire voué à la perte, ou soit alors il sera parmi les bienheureux. Ça c'est vrai. Que Allah Azza wa Jalla a prédestiné cela pour ses serviteurs, soit شقي, soit سعيد. ولكن هل هو مخبر على هذا وهل يعلم أن الله كتب عليك ذلك. Donc il a dit, cependant, est-ce que lui, il sait cela? Qu'est-ce qui lui a été prescrit à lui? Est-ce qu'il sait ce que Allah lui a prédestiné? كُلُّنَا لَا نَدْرِي مَا الْمَكْتُوبُ لَنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَعْمَلْ فَإِذَا كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ قَدْ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعْمَلَ عَمَلًا سَيِّئًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْمَلَ فَلْيُقَدِّرْ قَبْلَ الْعَمَلِ أَنَّهُ قَدْ كُتِبَ مِنَ السُّعَدَاءِ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ. Il a dit maintenant, aucun d'entre nous ne sait ce qui lui a été prédestiné, si ce n'est qu'une fois qu'il a agi. C'est-à-dire après l'acte, c'est là que tu vois que tu étais prédestiné de faire un bien ou d'avoir fait un mal. Donc, en parlant de cette personne-là, s'il ne sait pas ce qui lui a été prédestiné, prescrit, avant qu'il n'armel, qu'il n'œuvre, d'accord, si ce n'est qu'une fois qu'il est œuvré, alors que lui se met en tête, se dise que Allah lui a prédestiné d'être parmi les gens de la réussite, donc il agisse en conséquence, tout simplement. Dis-toi, moi Allah, il veut que je sois parmi les gens qui réussissent, donc je vais faire les actes des gens qui réussissent. Et après tu agis. Et une fois que tu as réussi, tu dis, Alhamdulillah, en fait, c'est vrai qu'Allah m'avait écrit que je voulais le faire. Si jamais tu n'as pas réussi, tu dis, quand Allah m'a chafal, Allah ne m'a pas écrit, mais je vais continuer, et c'est ce que je me rends compte que Allah m'a écrit que je suis parmi les gens du bien. Ça veut dire, soit sur un bon doute, et un bon soupçon, husnazon, et agis en conséquence. Agir en conséquence. ثم إن هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا تجده يفعل كل سبب يحصل به على المقصود ولا يحتج بالقدر. Il a dit, et cette personne-là, ça c'est un argument qui est très fort, qui se justifie par le destin sur le mal qu'il causerait en disant que ce mal-là, Allah m'a prédestiné, donc, ah voilà, quoi, c'est comme ça. Et il se permet de faire du mal. C'est-à-dire, avant qu'il n'agisse, on ne parle pas d'une fois après qu'il a agi, avant qu'il n'agisse, il dit, moi je suis parmi les gens pour qui Allah l'a prédit qu'ils soient des gens du mal, donc je vais faire du mal. Donc on le dit, maintenant, quand cette personne-là a voulu obtenir des biens de ce bas monde, d'accord, tu le vois faire toutes les causes pour y arriver. Il travaille, voire même, si c'est un criminel, il va voler, faire des actes pour obtenir ce qu'il veut, comme argent. D'accord? Il ne devrait pas se chez lui en disant que Allah m'a prédit que je sois riche, donc j'ai rien à faire. Non, tu vas le voir, il va bouger. Il va aller chercher du travail, il va rencontrer des gens, il va même peut-être même faire des péchés pour obtenir cela. D'accord? Donc c'est pour dire que cette personne-là, c'est une personne qui ment et qui joue. D'accord? Qui joue. Donc il ne se sert pas du qadr pour se permettre d'obtenir le bénéfice de il agit. Donc on le dit, pourquoi tu n'agis pas pour le paradis de la même façon que tu agis pour les bénéfices de ce bas monde? Et là, j'aimerais mettre Tambi par rapport à un sujet qui d'actualité, qui concerne le pass sanitaire. Qu'apparemment, certains employeurs interdiraient à leurs employés de travailler, si ce n'est qu'avec ce pass sanitaire. C'est-à-dire qu'ils soient vaccinés, qu'ils aient le pass sanitaire. Et tu vois des gens se révolter. Et là, je vise les musulmans. Les musulmans qui... tu les vois s'irriter de ce genre de décision et se révolter et dire que c'est injuste et kaza et kaza et kaza, d'accord? Et se plaindre. Et se plaindre du fait qu'on leur impose de se vacciner pour venir travailler. On dit, Tayyib, là, tu te plains pour cela. Mais avant de travailler, ou plutôt avant que la pandémie ne vienne, et qu'un travail t'ait été proposé, d'accord? Et ce travail-là contient des choses qui t'empêchent d'appliquer ta religion. Par exemple, ton patron, il ne veut pas que tu fasses un salat. Ou alors tu ne la fasses pas à l'heure. Ou alors, par exemple, il t'impose de te raser. Ou alors, il t'impose de travailler avec une secrétaire dans la mixité avec des femmes. Ou il t'impose telle et telle chose que Allah t'a interdite. À ce moment-là, comment tu as réagi? Est-ce que tu t'es révolté? Est-ce que tu t'es irrité? Non. Tu as signé ton CDI ou ton CDD ou voilà, et tu as dit d'accord. En te taisant. Pourquoi? Pour avoir ton salaire. Pour avoir cette dunya. Et là, aujourd'hui, pour ce même travail, on te dit, tu gagnes ce travail-là, d'accord? Alors fais-toi vacciner. Là, tu n'es pas content. Quelle situation était prioritaire à ce que tu n'acceptes pas et que tu ne résignes pas? C'était laquelle des deux? Pour obéir à Allah, en délaissant ce travail-là, ou aujourd'hui, pour ne pas te faire vacciner? Car se faire vacciner, vous ne trouverez pas un alim qui va dire que s'il est vacciné, il a fait du haram, il doit faire tawbah. D'accord? Nous, on n'encourage pas à se faire vacciner. Même, on dit celui qui peut éviter de le faire, qu'il le fasse. Celui qui trouve des causes halal pour ne pas se faire vacciner, qu'il le fasse. Mais maintenant, quelqu'un va se permettre de dire, tu t'es fait vacciner, tu as commis un péché, tu dois faire tawbah. Je ne connais pas un savant qui dit cela, et je ne pense pas que vous le trouverez. Par contre, celui qui ne fait pas la salate au travail, on va lui dire quoi? Ton travail, il est haram. Celui qui est dans la mixité, on va lui dire quoi? Ton travail, il est haram. Celui, mathalen, qui a un travail dans lequel il emploie des choses illicites, ou dans des situations illicites, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ton travail, il est haram. Tu dois arrêter. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire, dès le début, tu as accepté de désobéir à Allah pour avoir ta dunya, et aujourd'hui, tu te révoltes contre ton patron pour pouvoir avoir ton travail et dire c'est mon travail, c'est mon salaire, je dois vivre, je dois manger, et kaza, et kaza, et kaza. Tu vois. Donc là, on voit que les gens, c'est deux poids, deux mesures. Quand c'est pour Allah, c'est souple, c'est laxisme. Et quand c'est pour la dunya, c'est strict, c'est rigide et c'est ferme. Ce n'est pas normal, ce genre de comportement. Les priorités sont perdues. Notre ventre passe avant notre cœur. Notre dunya passe avant notre au-delà. Et ça, c'est la khasara, ça, c'est la perte assurée pour celui qui est de la sorte. C'est-à-dire qu'il fait passer sa dunya avant son akhira. Donc celui-là, eh bien, on craint pour lui une très mauvaise fin. Donc là, c'est la tambi, que les gens se remettent à question par rapport à ce genre de situation. Donc là, on reprend de ce que l'auteur, il a dit. Qala وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc Allah Azza wa Jal a déjà annulé justement cet argument que de prendre le destin comme excuse quand il dit qu'il a envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs pour qu'il n'y ait aucun argument sur les gens contre Allah après la venue des messagers. Une fois que le messager est venu, que tu as eu le message, que tu es la vérité, que tu es la preuve, tu n'as plus d'argument, quoi que tu fasses. Surat An-Nisa, verset 165. وَلَوْ كَانَ الْقَدَرْ حُجَّةً لَكَانَ حُجَّةً قَبْلَ الْرُسُلْ وَبَعْدَ الْرُسُلْ وَأَبْتَلَى طَيِّبْ. Et si jamais le destin, justement, était un argument qui était valable devant Allah Azza wa Jal, il aurait été un argument avant que les messagers ne viennent et également après qu'ils soient venus. Mais là, Allah, il dit bien qu'une fois que les messagers sont venus, tu n'as plus d'argument. Aucun argument. وابطل قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Et donc Allah Azza wa Jal a déjà annulé cette même prétendue argumentation des mushrikoun qu'on a dit dans la question précédente, dans le livre précédent, parce que dans le sens où Allah a dit que si Allah, eux disent, c'est-à-dire les polythéistes, ils disent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé ni nous, ni nos pères, et nous n'aurions rien rendu interdit, c'est-à-dire parce que Allah a rendu permis. Et voici comment on démentit ceux d'avant eux, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre châtiment. Donc les mouchtikoun l'ont dit également, c'est Allah qui a voulu qu'on fasse du shirk. Sans quoi, on n'en aurait pas fait. Surat al-Bestiaux, verset 148. Donc là, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui comme question. On a que ta fait bihada. Wa alhamdulillah rabbil alamin.